On continue avec notre séquence cinéma, cette fois à Orléans, puisque Marie-Claire est allée pour vous tester deux films qui vont sortir bientôt sur tous les écrans. Elle a assisté aux avant-premières. On parle d'abord de Gangsterdam, Marie-Claire. Marie-Claire va nous sortir des pépites. Bah écoute, pépites, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des avant-premières. Sachant que les deux films que nous voyons, dont on a la chance de rencontrer les réalisateurs et puis les acteurs. Alors, en ce qui concerne Gangsterdam, c'est un film qui a été réalisé donc par Romain Lévy, avec l'inoubliable Kev Adams, Manon Azem, comme Les Vins, et c'est un genre comédie-action, on va dire. Alors l'histoire, donc Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants en dernière année de fac. Par manque de confiance en lui, Ruben a déjà raté une fois ses examens. Même problème avec Nora, à qui il n'ose avouer ses sentiments. Et ce n'est pas Durex, son ami d'enfance, le type le plus gênant au monde, qui va l'aider. Lorsqu'il découvre que Nora est aussi dealeuse et qu'elle part pour Amsterdam afin de ramener un nouveau type de drogue, Ruben prend son courage à deux mains et décide de l'accompagner. Ce voyage à Amsterdam, c'est le cadre idéal pour séduire enfin Nora. Dommage pour lui, Durex s'incruste et ne lâche pas le morceau. Alors que tous les trois découvrent la capitale la plus dingue d'Europe, leur vie va franchement se compliquer quand ils vont réaliser que la drogue qu'ils viennent de récupérer appartient au plus grand criminel d'Amsterdam. Très vite, Ruben, Durex et Nora vont comprendre que pour retrouver leur vie d'avant, ils vont devoir cesser d'être des blaireaux pour devenir de vrais héros. Alors, tout de suite après, Marie-Claire, tu nous donneras ton avis sur ce film, mais je vous propose de retrouver la bande-annonce de Gangsterdam avec Kev Adams. Ma femme de musique, il me dit où il est mon paquet, où je vais plus de sa mère. Dans la vie, soit tu gères. Et à ton idée, c'est de la merde. Soit tu baltringues. Je m'appelle Ruben Jablonski et je ne suis pas ce qu'on appelle un mec cool. Baltringue là. Tu as un regard de femme. Je m'appelle Noah. T'es pas à l'aise avec les gens. Tu me chamas? Oui, pardon. Noah, t'as oublié ton manteau. C'est pas à moi ça. Bon, vas-y, moi je vais t'expliquer. Ok, donc là, moi, j'ai passé de la drogue, là. Je viens d'avoir un coup de cœur pour toi. Tu pars demain matin à Amsterdam avec Nora. Tu me ramènes un petit paquet. Moi, je voudrais déjà vous dire merci beaucoup pour cette proposition d'emploi. Des choses qu'on va faire, là. Durex, je suis le meilleur. C'est donc ça, Amsterdam? Eh ben, ça a l'air d'être une bonne ville de connards. Hein. C'est qui, ce gars? C'est prenez des vélos. Mais il est complètement taré, ton pote. C'est des hipsters. Ça ne compte pas. Règle numéro 1, vous n'ouvrez jamais le paquet. Ça vous embête pas d'éloigner un petit peu les chats, parce que je crois que je suis allergique. Laisse-les se frotter, ça éloignera les chiens en cas de contrôle. Règle numéro 2, jamais de contact avec du liquide, sinon la cam elle est morte. C'est ça que toi arrête avec ces chats, c'est pas les serviettes, ça gêne. Où le paquet? T'inquiète, il est là, c'est sûr. Il dit c'est un escroc. Ramène-moi mon paquet, si tu veux pas être fils unique. Ce qui compte dans la vie, c'est pas ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on ne sait pas encore faire. Welcome to Amsterdam. Éteins-lui la bite! Va chercher un extracteur, vite, vite! J'arrive! Oh merde! Gangsterdam, c'était la bande-annonce. Marie-Claire est allée assister pour vous à l'avant-première où elle a rencontré Kev Adams et Romain Lévy. Quelques mots sur Gangsterdam, Marie-Claire. Oui, alors donc tout à l'heure, je vous ai raconté l'histoire. Hein, et maintenant, alors que je raconte un petit peu comment s'est passée cette fameuse avant-première. Donc, nous étions face aux comédiens, face aux réalisateurs. Donc, Kev Adams, donc le comédien principal, mais également Manon Azem et Comme les Vins. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film, hein? Bon, c'est un film d'action et de rigolade, ce qui n'est pas étonnant quand on a Kev Adams. C'est-à-dire, excuse-moi Marie-Claire, juste pour dire enfin, il commence en forme de comédie. Oui. Et puis en fait, ça se modifie en cours de... Tout à fait. Parce et que après... le sujet est quand même assez délicat, hein, disons, sur la drogue. Non, il n'est pas délicat, non, parce qu'il est carrément délirant. Hein, délicat, on n'est plus dans ce qui est Kev Adams. Le sujet est sérieux, hein. C'est ça que je veux dire. Oui, d'accord, mais c'est traité, un peu dans la comédie. C'est traité sur un tout à fait. De trafic de drogue, c'est traité avec légèreté. Oui, dans mais avec énormément de légèreté, et puis il y a aussi une histoire d'amour quand même. Il ne faut pas retenir que la drogue, hein, bien sûr. Alors, donc, ce film d'action et de rigolade, je vous dis, carrément déjanté, enfin moi c'est ce que j'ai trouvé. Alors, lorsqu'on a été, bon, évidemment, vont voir les comédiens et le réalisateur, on leur a posé la question de savoir, alors sur le plateau, compte tenu des personnes qui étaient dans le film, comment ça se passait. Alors donc, il nous a dit qu'en fait, effectivement, il régnait une ambiance cour de récré. Bon, le contraire nous aurait étonné, mais que par contre, lors du tournage, bah, tout le monde devenait sérieux. Donc cette fameuse équipe, elle est arrivée au grand complet. Donc bon, Kev Adams avait un peu de retard. On l'a vu arriver capuche mise pour essayer d'échapper à ses groupies. Mais tout le monde sait qu'il en faut plus pour dissuader des adolescents. Alors je ne vous parle pas des adolescentes. Alors ce qui frappe d'abord, c'est la jeunesse de l'équipe. Bon, je vous laisse juger. Kev Adams, 25 ans. Manon Azem, 26 ans. Alors Manon Azem, vous la connaissez très bien. C'est la jeune femme superbe qui joue le rôle de Sarah Terranova dans Section de recherche sur TF1. Alors, elle a abandonné cette série, nous avons pu le constater il n'y a pas très longtemps, et en fait, parce que cette série lui prenait quand même 8 mois par an sur son temps. Et donc, l'obliger à être relativement très ciblé. Quand on vous propose un long métrage avec Adam, forcément. Ah bon, on n'hésite pas, là. Alors, un petit donc jeune acteur prometteur, donc c'est comme Lévin, donc qui a 27 ans et qui est absolument adorable, qui s'est prêté d'ailleurs comme toute l'équipe aux clichés qu'on a pu leur demander de faire, et voilà. Donc j'en viens à Romain Lévy. Alors Romain Lévy, c'est le réalisateur. Alors ce réalisateur a 40 ans, donc il est un peu plus âgé que son équipe de jeunes, mais par contre quand vous le voyez, bon ben, si vous avez papotassé un petit peu, il ne fait absolument pas ses 40 ans. Donc comme il a tous ici. Oui, comme nous tous ici, surtout moi. Alors donc... Mais donc... Et pas moi non plus. Eh ben écoute, donc ce fameux réalisateur, il a un look super jeune. Et donc on lui donne, allez, une petite trentaine à tout casser. Alors ils sont charmants et décontractés. Enfin, comme nous je tous dirais, ici. Comme nous tous ici, bien sûr. Mais dans ce cas précis, c'était surtout le réalisateur qui a mené l'interview. D'accord. Alors d'ailleurs, moi chez les autres, j'ai senti une certaine timidité. Alors autant pour Manon et pour comme bon, je m'y attendais un petit peu. Par contre, j'ai été surprise par le calme de Kev Adams, car je m'attendais à ce qu'il raconte des choses carrément impudiques, comme il le fait couramment devant les foules. Hein. Ça lui fait absolument pas peur. Eh bien non, son discours était plutôt policé, mais peut-être était-il tout simplement fatigué, car l'équipe enchaîne les avant-premières, donc sans repos, tout le temps de la promotion. Ils vont d'une ville à l'autre, voire 2 à 3 séances par ville, voire 2 villes qui s'enchaînent, donc on peut comprendre qu'il soit un brin fatigué. Alors, que dire sinon, que nous a dit Lévy, Romain Lévy, donc pour lui, le cinéma est un espace de liberté où il peut faire parler des ados comme ils se parlent entre eux. Effectivement, quand on n'est pas ado, il y a des fois, on rame un petit peu, hein, je ne vous le cache pas. Pour suivre les dialogues du film ? Pour suivre les dialogues du film. À un moment donné, il parle, c'est des hipsters, machin, ça compte pas. Hipster, je suis toujours en train de demander ce que c'est. Hein. Bon, alors, si un ado veut bien appeler pour mettre au courant, je suis preneuse. Alors, qu'a apporté Kev Adams ? Bon, bien sûr, il apporte sa notoriété ainsi que l'ensemble de ses fans. Manon Azem, donc, à qui on avait posé une question, nous exprimait à quel point c'était de la folie quand 600 jeunes filles se mettent à hurler d'accaparer Kev Adams. Donc déjà, ça fait une ambiance très chaude. Lors des avant-premières qui ont lieu en France en ce moment. Oui, tout à fait, tout à fait. Et lors d'autres, alors l'effet Kev Adams amplifie manifestement tout, et le réalisateur disait même que grâce à Kev, ils avaient la vie des Beatles. Donc ça laisse un petit peu entrevoir ce que ça peut donner. Alors le risque du film était de dérouter en fait le public de Kev qui sort un petit peu de son répertoire, mais il n'en est rien, donc ses fans adorent. L'énergie qui a été mise dans le film trouve un énorme écho auprès des jeunes. Je suis sûre que vous aimerez donc ce film, si vous aimez bon, tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc il vous plaira assurément et soyez patients, donc ce film sort le 29 mars 2017. Le 29 mars 2017, sur vos écrans, Gangsterdam avec Kev Adams à l'affiche. C'est sur vos écrans bientôt à Orléans, un film de Romain Lévy. Je vous propose de retourner un peu au Portugal avec Tony Carreira et Julie Zenati, et ce titre repris par Tony Carreira, bien connu, là-bas. Tony Carreira et Julie Zenati sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 à Orléans.